on ne l'a pas encore réglé compte tenu qu'on n'a pas tout vendu nos terrains. Alors, nous, tu te rappelles, je t'ai déjà dit qu'on voulait créer un fonds de réserve. Ouais. Dans le fonds de réserve, il y avait un budget d'immobilisation, il y avait les coûts relatifs à reconfigurer le parcours, puis le paiement de la dette. Alors, tu comprends qu'au moment où on se parle, on paye encore des gros intérêts sur une dette de près de 700 000. Alors, aussitôt que les terrains sont vendus, ça, on va vouloir régler ça pour qu'on puisse avoir plus de liquidité puis plus respirer surtout. Le Weekend Golf, le méga Weekend Golf, c'est la grosse année de l'année. Là, il y a quoi? C'est un peu moins de 3 mois de fête de ça. Somme doute, c'était très positif, ça. Puis là, vous avez eu une belle vitrine avec TVA Sports aussi. Ah, ça a été magnifique, la promotion puis la visibilité qu'on a eue via l'émission Golf Magazine à TVA Sports, effectivement. Non seulement on a eu une belle visibilité, mais ils nous ont récemment appelé pour nous demander l'autorisation de repasser cette émission 3 ou 4 fois encore durant l'année. Ce qu'on a bien sûr accepté avec grand plaisir. Puis, en plus, Daniel Melançon a sa participation à l'émission de TVA le matin. Son coup de cœur, ça a été le club de golf de Saint-Prime sur le lac Saint-Jean. Alors, bien sûr que nous autres, l'accueil de nos membres, puis de nos bénévoles, puis la participation des gens, puis l'enthousiasme surtout des gens. Puis, sincèrement, j'ai le goût de dire la qualité de l'organisation parce que c'est un défi qu'on a à relever avec tous nos bénévoles. Et effectivement, on a fait un retour sur cette activité-là, puis on a déjà confirmé en conseil d'administration que l'activité reviendra l'année prochaine. Est-ce que ça démontre le succès. C'est-tu un bilan positif, négatif, net au net, là? C'est un bilan positif, assurément, parce qu'on ne l'aurait pas refait, là, compte tenu des problèmes qu'on a. Okay. Mais je peux pas vous donner le détail parce que je veux pas qu'on nous copie. Daniel Melançon, c'est un gars d'ici, je pense. C'est un gars qui est natif du Saguenay, si je ne m'abuse. Je peux pas te dire, Daniel. OK. Niveau performance des golfeurs, est-ce que ça, c'était positif aussi? Ben, moi, je pense que la démonstration là est assez évidente là-dessus parce qu'on a encore cette année des gens qui ont très, très bien performé au niveau régional, dans les concours régionaux, c'est ça. Après ça, on a fini Saint-Prime deuxième dans le A derrière Chicoutimi, qui ont autour de 20 ou 25 2A. Nous, on en a peut-être 7 ou 8. Alors, on a fini deuxième, on a battu Saguenay et Labbé. On demeure dans le A en deuxième position, ce qui est excellent. Puis, dans notre compétition avec le club de Dolbeau-Mistassini, qu'on appelle la Coupe Ryder, on a renouvelé notre gain cette année pour une deuxième année consécutive. Ça, c'est une formule qui est assez qui est assez relevée également. Alors, non, la performance de nos golfeurs est très bonne, puis je l'attribue beaucoup, je l'ai dit d'ailleurs en assemblée à nos membres, je l'attribue beaucoup au fait que notre terrain est un peu plus difficile, nos verres sont plus rapides, ça fait que nos joueurs sont meilleurs. Ça rend nos joueurs meilleurs, ça rend le parcours plus difficile. Il y a des membres qui se plaignent que le parcours est de plus en plus difficile, on s'amuse moins. C'est la raison pour laquelle cette année, on a décidé aussi de construire un tertre supplémentaire pour particulièrement les femmes qui ont un handicap au-dessus de 20 ou 25. Là. Okay. Alors, on va faire ça, comme on l'a fait pour les 70 ans et plus dans notre cas chez les hommes. Ils ont leur propre tertre de départ, puis ils s'amusent beaucoup plus que quand ils partaient sur les tertres blancs. OK. Bon, maintenant, stratégie maintenant pour augmenter les membres. J'imagine que c'est l'objectif pour pousser les nouveautés. Qu'est-ce qu'on entend travailler cet automne? Bien, en fait, je vais te dire bien sincèrement, là, si quelqu'un a une solution pour augmenter le membership qui nous la présente, parce que tous les clubs sont à la recherche de cette solution-là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a le même niveau de dépenses que les années précédentes. Okay. Cette année, cependant, on a augmenté les revenus. Alors, on s'est concentré sur les revenus. Plus de tournois sociaux dans notre cas. Mega Weekend Golf qui, malgré les coûts, apporte des revenus de restauration et de bar supplémentaires à ce qu'on avait anticipé. Mais cette année, il a fait beau. Ça fait toute la différence. Après ça, nous, on a organisé, notre directeur général puis notre directeur golf organise tous les vendredis, sans exception, des ce qu'on appelle des mafias. OK. On a normalement, là, entre 40 et 70 joueurs. Encore en fin de semaine, ils organisent des mafias, puis on a déjà d'inscrits, là, une quarantaine de joueurs, ah, malgré, bon, là, qu'on est rendu à la mi-octobre. Alors, c'est tellement beau. Nous, on a augmenté les revenus. Mais sur le nombre de membres, on n'a pas la solution. Ben, effectivement. Donc, sur quoi vous entendez travailler quand même? J'imagine qu'il y a des projets qui s'en viennent aussi, là? Oui, ben là, nous, on va finir le projet de reconfiguration, ouais, du parcours. Puis tu sais que ça a été 2 années là, qui ont demandé beaucoup de travail. Là où on devrait se concentrer, nous, c'est sur le membership et les juniors. On a fait un immense travail au cours des 2 dernières années pour les juniors. L'année passée, on avait, je me rappelle bien, 52. On avait 67 cette année, je pense. Donc, 14 dans l'élite. On s'apprête à recevoir aussi le championnat junior québécois. Ça, c'est 2018, hein? C'est ça, mais c'est un an de préparation d'avance. Ouais. Après ça, là, on est en train de corriger le parcours. Il va être rendu à 6780 verges pour les jalons noirs. Okay. Puis, on veut aussi augmenter le nombre de tournois sociaux et de locations de salles pour des rencontres, là, des parties, des mariages, ces activités-là. OK. En terminant, je veux te parler de... c'est une année quand même positive dans l'ensemble? Oui, mais comme je le disais tantôt, dans notre cas, je considère que c'est satisfaisant. Moi, je pense que le fait d'avoir définitivement sauvé le club de golf, d'y avoir assuré sa pérennité pour un certain nombre d'années, on est un des rares, sinon le seul club dans tout le Québec qui parle de développement avec le parcours reconfiguré, le nombre de verges, les changements qu'on a apportés au terrain, les activités qu'on a faites pour démocratiser le golf dans la perspective ou dans l'objectif d'amener des nouveaux membres. Le fait qu'on ait 67 juniors cette année, ah, c'est nous, très là, bon. C'est excellent. Puis, Danny, ça l'a amené les jeunes à venir frapper des balles avec leurs parents. Quand on a fait le Mega Weekend Golf, on avait 2 activités pour les jeunes. On avait le Drive Chip and Putt, puis on avait le défi familial. Ben, les parents et les grands-parents sont venus jouer avec les enfants et les petits-enfants. Puis, on en a, au moment où on se parle, qui ont l'intention de rentrer membre l'année prochaine, qui ont découvert cette activité-là. Avec notre directeur golf, on avait la soirée des dames le mercredi. On a eu jusqu'à 20 ou 22 participantes le mercredi soir. Ça, c'est tous des gens, des dames qui ont apprécié l'expérience et qui, à mon avis, vont la renouveler l'année prochaine puis qui peuvent venir devenir des membres potentiels. Alors, nos stratégies sont là-dessus, nous autres. Alors, ouais, je peux dire qu'effectivement, c'est une année satisfaisante encore cette année. Ces gens-là prennent de la bière, prennent des chips, prennent, les parrains, ainsi de suite. Un verre de vin, effectivement. Ouais. Ouais. Rémi, en terminant, tu vas être de retour. Tu peux pas lâcher ça de même, là. Il y a un momentum, là. Non, moi, j'ai les gens le savent, là. J'avais pris ça pour 1 an, j'en ai fait 2. Danny, je te cacherai pas, là, peut-être moins cette année, mais l'année passée, j'ai travaillé au moins là, 20-25 heures semaine. Ouais. Moi, c'est du bénévolat. J'ai décidé que je renouvelais pas. J'ai relevé le défi avec notre directeur général, nos employés, puis le conseil d'administration, puis tous nos membres. J'ai fait souvent état de l'apport de nos bénévoles. C'est un travail d'équipe. Moi, j'ai tenté de diriger ça vers l'atteinte des objectifs, puis je pense que les résultats sont satisfaisants. Moi, je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Bon, ben c'est dommage, parce que c'était fun, les entrevues. C'était vivant, la fierté était revenue, puis j'espère qu'au moins, il va y avoir la continuité. C'est ça, c'est l'objectif, effectivement. OK. Ben, Rémi Kutnus, gros merci de ta collaboration au cours des 2 dernières années. On va se reparler, apparemment, à l'Assemblée générale. Ça, c'est au mois de décembre, c'est ça? Oui, probablement décembre ou janvier. Puis à mon tour, Danny, de te remercier de ta disponibilité puis surtout de ta bonne collaboration de toute l'année. OK, ben merci beaucoup. Donc, c'est Rémi Kutnus, le président du club de golf de Saint-Prime.